Chapitre 17. Amy avait du mal à supporter le regard des hommes lorsqu'elle traversait le campement des bûcherons. Dès qu'elle se retournait, elle surprenait les yeux des mâles fixés sur sa croupe, sa taille, ses jambes. C'était embarrassant. Elle commençait à se sentir dans la peau d'une esclave qu'on va bientôt mettre en vente. Elle supposait qu'il s'agissait là d'une manifestation de curiosité légitime, mais elle n'aimait pas l'étincelle trouble qui pétillait au fond des pupilles masculines. « J'ai l'impression d'être un tas de viande », songeait-elle le soir en s'allongeant sur sa couche. Elle vivait seule désormais, Sharon ayant décidé de s'installer chez Devereaux avec les autres enfants. Amy ne s'était pas sentie le droit de refuser. Au nom de quelle autorité l'aurait-elle fait, du reste, puisqu'elle n'entretenait aucun lien de parenté avec la fillette? Dans la journée, elle essayait de s'initier aux corvées de la communauté. Elle cueillait des fruits, pelait les légumes, pilait le manioc. Les femmes lui parlaient peu. Et lorsqu'elle le faisait, c'était dans un idiome qu'Amie ne comprenait pas. Il y avait beaucoup de gens à nourrir. La cuisine collective ne désemplissait guère. Gunnarsson avait fait aménager un réfectoire en plein air, sous un toit de palme qui protégeait les tablés de l'ardeur du soleil. Les ouvriers envahissaient les lieux selon un horaire précis, correspondant à la rotation des équipes. Un cadran solaire, à la romaine, planté sur la place du village, permettait à chacun de mesurer l'écoulement du temps. Amy essayait de se montrer efficace et ravalait sa colère quand les matrones la houspillaient, l'accablant d'injures dont elle ne pouvait saisir le sens. Un soir qu'elle regagnait sa case, les jambes lourdes et les doigts striés de coupures, elle sursauta en apercevant une ombre assise sur sa couche. Elle finit par identifier l'une des femmes du village, une certaine Maria, qui travaillait dans le secteur habillement au tissage des fibres végétales. C'était une quinquagénaire épaissie, aux cheveux striés de gris. « Je parle ta langue, » dit la tisseuse en guise de salut. « J'ai été femme de chambre à Rio, chez un Anglais pendant 10 ans. » Je suis venue t'avertir. Écoute bien ce que j'ai à te dire. Tu ne dois pas rester ici. Va-t'en. Pourquoi s'enquit Amy? La loterie, c'est un piège pour les femmes. Je le sais, j'y ai participé 5 fois. J'ai dû partager le lit de 5 hommes différents. J'ai souvent pleuré. Les bûcherons sont des hommes violents. Ils te battent. Quand tu es jeune, ils ne pensent qu'à tu sais quoi. Si tu refuses, ils te frappent. À la fin, tu dis oui pour ne pas souffrir. Tu acceptes n'importe quoi pour ne pas avoir mal. J'ai eu 3 enfants en 5 ans. Ils sont tous morts aujourd'hui. Je confonds leurs visages dans ma mémoire. Je mélange leurs noms. C'est ce qui va t'arriver. Ils te veulent tous parce que tu es jeune et jolie. Ils s'excitent à imaginer dans leur tête ce qu'ils vont te faire. Ne crois pas que ce sera facile. Ne reste pas ici. Repars avec les tiens. Ou alors enfonce-toi dans la jungle et essaie de t'installer quelque part, là où les hommes ne pourront pas te trouver. La communauté, ce n'est pas le paradis. N'écoute pas le Suédois. Il ment, c'est un serpent souriant. La communauté, c'est un bordel caché. Il en est le maquereau. Elle parlait d'une voix sourde, tendue. Amy sentit que cet inconnu essayait réellement de la mettre en garde. « C'est possible de vivre seule ? » demanda-t-elle. « Difficile, très difficile, » soupira Maria. « Le mieux encore pour toi, ce serait de te marier avec l'Anglais qui vit sur la plage. Il est puissant, il a une mitrailleuse. Mais le problème, c'est que ses valets projettent de l'assassiner. Ils en ont assez de lui obéir. Il est très méchant avec eux. Il a la cravache trop facile. Peut-être, toi, tu pourrais l'amadouer. Et puis, c'est quelqu'un de ta race. Les bûcherons, non. Ils viennent de l'Amazonie. Avant, ils étaient prospecteurs, ramasseurs de sève d'EVA. Ils vivaient au milieu des Indiens, des bêtes sauvages. Les femmes, ils n'en rencontraient qu'au bordel. Pour eux, nous sommes toutes des putains. C'est comme ça qu'ils te traiteront. Tu ne supporteras pas. Même à moi qui suis vieille maintenant, Ils me demandent des choses dégoûtantes. Et pourtant, j'ai cessé d'être belle depuis longtemps, mais ça ne les arrête pas. C'est pour ça que je te dis, va-t'en, repars avec les soldats. Ils ont des fusils, ils te défendront. Si c'était à refaire, je ne resterais pas avec les bûcherons. Mais maintenant, je suis trop vieille, je n'ai plus le courage de m'enfuir. Toi, c'est différent. Tu as la jeunesse. Tu as encore de la force, profites-en. Elle se leva, s'assura que la rue était vide et se glissa dehors sans un mot d'adieu. Amy s'assit, fâcheusement impressionnée. Maria disait-elle la vérité? Ou bien avait-elle été dépêchée par le Conseil des femmes afin d'effrayer l'étrangère, cette concurrente qui allait leur ravir la vedette lors de la prochaine loterie? Elle sut qu'elle ne pourrait fermer l'œil avant d'en avoir délibéré avec Gunnarsson. Aussi sortit-elle dans l'obscurité à la recherche du Suédois. Elle le trouva dans la case du conseil tribal, comme il se plaisait à l'appeler avec une certaine affectation, penché sur ses livres, ses petites lunettes au bout du nez. Il tressaillit en la voyant entrer, mais se reprit aussitôt, et ses lèvres modelèrent le sourire pastoral qui lui tenait lieu de carte de visite. Amy s'assit et lui exposa, sans toutefois révéler le nom de son informatrice, l'avertissement qu'on venait de lui délivrer. Gunnarsson afficha une expression outragée. « Je pense, murmura-t-il, que vous avez été victime d'un petit complot dû à la jalousie féminine. Ces dames ne se font pas d'illusions. Elles savent que vous allez les éclipser lors de la prochaine loterie. Cela leur déplaît souverainement. Sans vouloir vous flatter, je dirais que vous allez être l'objet de tous les espoirs masculins. Je ne m'en sens nullement flattée, coupa Amy. En vérité, cela me gênerait plutôt. Cette femme vous adressait un portrait mensonger de notre communauté, fit le Suédois d'un ton irrité. Aucun des ouvriers qui travaillent ici n'a ce genre de comportement. Je le saurais. De toute manière, si vous nourrissez le moindre doute, il vous est encore possible de rejoindre ceux avec qui vous êtes arrivés ici. Mais croyez-vous réellement que vous serez davantage en sécurité en leur compagnie? Ce sont des soldats, des tueurs professionnels. Si vous me permettez de jouer les prophètes, je pense qu'ils se mutineront bientôt. Ils assassineront leur chef, puis tenteront de fonder leur propre communauté. Hélas, ils ne réussiront pas à s'organiser. Les querelles se multiplieront et aussi les assassinats. Une fois qu'ils auront brûlé leur dernière cartouche, ils se retrouveront démunis, perdus, incapables de survivre dans la jungle par leurs propres moyens. Alors ils viendront frapper à notre porte, ou à celle des mécaniciens. J'ai déjà assisté à ce type de processus. Je connais la musique. À votre place, j'éviterai de me trouver avec eux lorsqu'ils se mutineront. Car vous pourriez faire les frais de cette libération. Une femme au milieu de tant d'hommes livrés à eux-mêmes. On sait ce qu'il en résulte. Encore une fois, je ne cherche pas à vous influencer. J'essaie de vous mettre en garde, c'est tout. Il ôta ses lunettes pour se masser les yeux. Son accablement et sa tristesse semblaient réels. Il n'y a qu'une chose vraie dans ce que vous a dit cette femme, reprit-il. College est en très mauvaise posture. Il se comporte en tyran, il dort avec un revolver sous son oreiller. Cela ne suffira pas à le protéger. J'ai déjà tenté de le prévenir, en vain. On ne fouette pas ses serviteurs, on ne fourre pas de force ses servantes dans son lit, surtout lorsqu'elles sont les épouses des dites serviteurs. Cela n'engendre rien de bon. Autre chose, lança Amy, désireuse d'abréger le prêche qui s'annonçait. Selon vous, une femme seule peut-elle survivre dans la jungle? Gunnarsson haussa les épaules. Son expression semblait dire « Qui puis-je après tout, si vous avez décidé de vous suicider ?»« Certaines ont essayé, soupira-t-il. Horrifié par la loterie du mariage et la perspective d'avoir à changer de partenaire tous les ans. Elles ont choisi la solitude au fond de la forêt. Nous n'avons plus jamais entendu parler d'elles. Il est fort possible qu'elles aient été rasiées par les mécaniciens. Vivre seules au fond des bois, n'est envisageable que si l'on a une réelle expérience de la nature. Une indienne d'Amazonie peut le faire. La femme ou la fille d'un ramasseur de caoutchouc également. Mais vous, savez-vous construire une cabane? Identifier les plantes vénéneuses, poser des pièges, tanner les peaux? Il y a les araignées, les serpents. Qui vous portera secours si vous êtes piqué, si vous contractez la fièvre des marais? Êtes-vous experte en herbes médicinales, comme je le suis moi-même? Si vous restez avec nous, je vous transmettrai mon savoir. Je ferai de vous mon assistante, mon infirmière. Je vous apprendrai à confectionner des remèdes efficaces à partir des essences végétales qui nous entourent. » Étourdie par ce flot de paroles, Amy se dressa pour arpenter nerveusement le plancher de la case. Elle ne savait plus où elle en était. Ses certitudes s'effritaient, l'obscurité grouillait de présences inidentifiables.